voie 2, train passage. Spoor 2, doorrijdende trein. Voie 2, le train S5 à destination de Etterbeek et Halle de 15h18. Voie 2.